La cité mystique de Dieu par Marie d'Agreda, tome 3, Poussiel Guruzan 1857, livre 4e, chapitre 15. La très pure Marie demeure dans la grotte de la Nativité avec l'enfant Dieu jusqu'à la venue des mages. Notre grande reine savait par la science infuse qu'elle avait des saintes écritures et par tant de sublimes révélations, que les mages viendraient de l'Orient pour reconnaître et adorer son très saint fils pour le véritable Dieu, psaume 71, 10, Ésaïe 66. Elle avait été particulièrement informée de ce prochain mystère par l'ange qui fut envoyé à ses rois pour leur annoncer la naissance du Verbe incarné, comme je l'ai dit au chapitre 11e de ce livre, paragraphe 492. Car la Mère Vierge eut connaissance de tout cela. Saint Joseph n'avait aucune notion de ce mystère, car il ne lui avait pas été révélé, et sa très prudente épouse ne lui découvrait pas son secret, elle qui, sage et circonspecte en toutes choses, attendait que la volonté divine opérât en ces mystères, au moment opportun, par sa sainte disposition. Sagesse, 8, 1. C'est pourquoi, la circoncision étant célébrée, le Saint-Époux proposa à la Reine du Ciel de quitter un lieu si pauvre que l'était la grotte, à cause des incommodités que l'enfant Dieu et elle y souffraient, lui persuadant qu'il trouverait dès lors à Bethléem un logement inoccupé, où il pourrait se retirer jusqu'à ce que fût arrivé le temps d'aller présenter l'enfant dans le temple de Jérusalem. Ce que le très fidèle et très soigneux époux proposa à la Sainte Vierge, parce qu'il craignait toujours de ne pas pouvoir dans sa pauvreté, procurer au fils et à la mère toutes les commodités dont il pouvait avoir besoin, remettant pourtant le tout à la volonté de sa divine épouse. La très humble reine lui répondit, sans néanmoins lui découvrir le mystère. « Mon époux et mon maître, je suis prête à faire tout ce que vous m'ordonnerez, et à vous suivre partout où vous voudrez aller. Faites ce que vous jugerez le plus à propos. » La divine reine avait déjà voué un certain attachement à la grotte à cause de la bassesse et de la pauvreté du lieu, et parce que le Verbe incarné l'avait consacré par les mystères de sa naissance et de sa circoncision, et par celui qu'elle attendait des rois mages, quoiqu'elle ignorât le temps de leur arrivée. Cet attachement était pieux, plein de dévotion et de vénération, mais il ne l'empêchait pas de préférer l'obéissance à ses goûts particuliers, et de s'y soumettre, pour servir, en toute chose d'exemplaire et de règle de la perfection la plus sublime. Cette vertueuse indifférence mit Saint Joseph dans un plus grand embarras, parce qu'il désirait que son épouse décidât ce qu'il devait faire. Et pendant qu'ils en conféraient ensemble, le Seigneur répondit par l'organe des princes Saint Michel et Saint Gabriel, qui s'occupaient visiblement du service de leur divin Seigneur et de leur grande reine, et qui dirent « La volonté divine a ordonné que les trois rois qui viennent des régions de l'Orient pour chercher le roi du ciel, adorent ici même le Verbe fait homme. Il y a 10 jours qu'ils sont en marche, car ils ont été aussitôt avertis de la sacrée naissance, et ils se sont mis incontinent en chemin. Ils arriveront dans très peu de temps. Ainsi seront accomplies les prédictions des prophètes qui les ont vus et annoncés de fort loin, psaume 71, 10, Ésaïe 66. » Par ce nouvel avis, Saint Joseph fut consolé et informé de la volonté du Très-Haut, et son épouse la Sainte Vierge lui dit, « Mon Seigneur, quoique ce lieu que le Tout-Puissant a choisi pour de si magnifiques mystères soit pauvre et incommode aux yeux du monde, il est pourtant riche, précieux, le meilleur et le plus estimable de la terre aux yeux de sa sagesse, puisque le souverain des cieux s'en est contenté en le consacrant par sa divine présence. Sa puissance est assez grande pour nous faire jouir de sa vue dans cet endroit, qui est une véritable terre promise. Et s'il le trouve à propos, il nous adoucira les rigueurs de la saison pendant le peu de temps que nous y demeurons. Le discours de notre très prudent traîne causa une sensible joie à Saint Joseph, qui lui répondit que, puisque l'enfant Dieu se conformerait aux prescriptions de la loi pour la présentation au temple, comme il s'y était conformé pour la circoncision, il pouvait demeurer dans ce sacré lieu jusqu'à ce que le jour arrivât, sans retourner auparavant, dans la mauvaise saison, à Nazareth, qui était trop éloigné. Que si par hasard la rigueur du froid les forçait à le quitter et à se retirer dans Jérusalem, il le pouvait aisément faire, puisqu'elle n'était distante de Bethléem que de 2 lieues. L'auguste Marie se plia entièrement à la volonté de son vigilant époux, tout en conservant toujours une secrète inclination pour ce sacré sanctuaire, beaucoup plus saint et plus vénérable que celui du temple, et en attendant qu'il fût temps d'y aller présenter son fils. Elle fit tout son possible pour le garantir de l'injure du temps. Elle nettoya de nouveau la grotte et fit pour l'arrivée des rois tous les préparatifs que comportait la pauvreté du lieu. Mais la plus grande précaution qu'elle prit pour l'enfant Dieu fut de le tenir toujours entre ses bras, quand elle n'était pas absolument obligée de s'en séparer. Elle usa surtout de la puissance souveraine qu'elle avait sur toutes les créatures, quand l'hiver déployait sa fureur. Car elle commandait au froid, au vent, à la neige et au frimas de ne point nuire à leur créateur, mais d'exercer sur elles seules leur inclémence et les âpres influences des éléments. La divine reine leur disait, « Détournez vos rigueurs de votre créateur et conservateur, qui vous a donné l'être, la vertu et la faculté d'opérer. Considérez, ô créatures de mon bien-aimé, que vous n'en avez été armés qu'à cause du péché, Sagesse 5, 18, etc., et que pour châtier la désobéissance du premier Adam et sa postérité. Mais envers le second, qui vient réparer cette chute, et qui n'a pas pu y être entraîné, vous devez être bénigne et respectueuse, lui rendant, loin de lui nuire, de justes hommages et services. C'est ce que je vous commande en son nom, vous défendant de le gêner et de le faire souffrir. » La prompte obéissance que les créatures irraisonnables rendaient à la volonté divine qui leur était intimée par la Mère de Dieu lui-même, est digne de notre admiration et de notre imitation, car il arrivait, quand elle l'ordonnait, que la neige, les vents et la pluie n'osaient s'en approcher, et s'arrêtaient à une distance de plus de 5 toises, et que l'air ambiant se tempérait et se changeait en une agréable chaleur. Cette merveille était accompagnée d'une autre, c'est qu'en même temps que l'enfant Dieu recevait cet adoucissement, la Mère Vierge qui le portait dans ses bras, ressentait la rigueur du froid et souffrait les intempéries de la saison avec toute l'intensité que pouvaient leur donner les forces de la nature. Cela arrivait parce que tout lui était soumis, et qu'elle ne voulait point s'exempter elle-même de la peine, dont mère amoureuse et maîtresse des créatures dociles, elle préservait son tendre fils et son adorable Seigneur. Saint Joseph jouissait aussi bien que l'enfant Dieu des 12 effets de ce privilège, et s'apercevait du favorable changement de la température. Mais il ne savait pas que tout cela se produisit par le commandement de sa divine épouse, et par l'action de son pouvoir, attendu qu'elle ne lui faisait pas connaître ce privilège, qu'elle n'avait pas reçu ordre du Très-Haut de lui révéler. La conduite est la règle que la grande reine du ciel observait en nourrissant son petit enfant Jésus. Était de l'allaiter 3 fois par jour, ce qu'elle faisait avec tant de respect, qu'elle lui en demandait très humblement la permission. Le suppliant de lui pardonner son indignité, et se reconnaissant en toutes choses sa sujette. Maintes fois lorsqu'elle l'avait entre ses bras, elle se mettait à genoux pour l'adorer, et si elle avait besoin de s'asseoir, elle le priait de vouloir bien le lui permettre. C'est avec le même respect que, comme je l'ai dit ailleurs, elle le remettait à Saint Joseph, et le reprenait de ses mains. Souvent elle lui baisait les pieds, et quand elle souhaitait de le baiser au visage, elle sollicitait intérieurement sa bienveillance et son agrément. Le très doux enfant répondait à ses caresses maternelles, non seulement en les recevant avec un air aimable, que relevait toujours une certaine majesté, mais encore par d'autres actions qu'il faisait de la même manière que les autres enfants, quoique avec plus de sérénité et de retenue. Le plus ordinairement il se penchait avec amour sur le chaste sein de sa très pure mère, ou sur son épaule, en entourant son cou de ses petits bras divins. Et la très sainte Vierge était si sérieuse et si circonspecte au milieu de toutes ses caresses, qu'elle ne se les attirait pas par des puérilités, et qu'elle ne les repoussait pas non plus par des semblants de menaces, comme font les autres mères. Elle était en tout très prudente et très parfaite, sans défaut ni excès, de sorte que le plus grand amour de son très saint fils et les sensibles marques qu'il lui en prodiguait lui servaient à s'humilier davantage, et lui inspirait une profonde vénération qui réglait ses affections et leur donnait un plus vif éclat de sainteté et de perfection. Il y avait entre l'enfant Dieu et la Mère Vierge d'autres sortes de caresses mystiques, car, outre qu'elle connaissait toujours par la divine lumière les actes intérieurs de l'âme très sainte de son Fils unique, comme je l'ai dit, il arrivait souvent que, l'ayant entre ses bras, l'humanité lui apparaissait comme un cristal transparent, et alors la Sainte Vierge y voyait l'union hypostatique, l'âme du divin enfant, et toutes les opérations auxquelles il se livrait en priant le Père éternel pour le genre humain. Alors la divine dame l'imitait en ses œuvres et en ses prières, et se trouvait tout abîmée et transformée en son propre fils. Dans cet état le Seigneur la regardait avec une joie accidentelle et en faisait toutes ses délices, comme se récréant en la pureté d'une telle créature et se réjouissant de l'avoir créée, et de ce que la divinité s'était incarnée pour reproduire une si vive image de cette même divinité, aussi bien que l'humanité qu'elle avait prise de sa substance virginale. À propos de ce mystère, il me fut rappelé ce que dira Holoferne ses capitaines, quand ils virent la belle Judith dans les champs de Béthulie, qui méprisera le peuple hébreu, et qui condamnera la guerre que nous lui faisons, puisqu'il a des femmes d'une si rare beauté, Judith, 10-18. Ce discours paraît mystérieux et véritable en ce qui regarde le Verbe incarné, qui a pu dire la même chose avec beaucoup plus de raison au Père éternel et à toutes les créatures. Qui niera que je n'ai eu un juste sujet de descendre du ciel sur la terre pour y prendre chair humaine et pour y détruire le diable, le monde et la chair, en les vainquant et en les anéantissant, puisque parmi les enfants d'Adam il se trouve une femme telle que ma mère, ô mon doux amour, vertu de ma vertu, vie de mon âme, aimable et amoureux Jésus. Ah, vous le voyez, dans toute la nature humaine, il n'y a que la seule Marie qui ait une telle beauté. Elle est l'unique, l'élu, Cantique 6, 8, et si parfaite à vos yeux, mon divin Maître et Seigneur, que non seulement elle égale tout le reste de votre peuple, mais qu'elle le surpasse à un degré incommensurable. Elle seule supplée à la laideur de toute la postérité d'Adam. La très douce mère ressentait de si sublimes effets parmi ces délices de son enfant Dieu, qu'elle en était toute spiritualisée et déifiée de nouveau. Et, dans les élans qui transportaient son âme très pure, elle rompit 100 fois les attaches du corps terrestre pour l'abandonner. 100 fois sa vie se fut consumée dans l'incendie de son amour, si elle n'eût été miraculeusement fortifiée et soutenue. Elle s'adressait mentalement et oralement à son très saint fils en des termes si relevés et si mesurés, qu'on ne saurait les traduire dans notre grossier langage. Tout ce que je pourrais dire sera toujours fort au-dessous de ce divin entretien, selon ce qui m'a été manifesté. Elle lui disait, « Ô mon amour, douce vie de mon âme, qui êtes-vous, et qui suis-je? Que voulez-vous faire de moi en abaissant vos grandeurs et vos magnificences jusqu'à favoriser une poussière inutile? Que pourra faire votre servante pour votre amour, et pour vous témoigner sa reconnaissance? Que vous rendrai-je pour tant de bien que vous m'avez fait? Mon être, ma vie, mes puissances, mes sens, mes désirs et mes soupirs, tout cela vous appartient. Consolez votre servante et votre mère, afin que, dans l'ambition qu'elle a de vous servir, elle ne se décourage pas à la vue de son insuffisance, puisqu'elle ne peut pas mourir de votre amour. Oh que la capacité des hommes est bornée, que leur pouvoir est petit, que leurs affections sont faibles, puisqu'ils ne peuvent parvenir à payer votre amour d'un juste retour. Vous vaincrez toujours en magnificence et en miséricorde vos créatures, vous chanterez des victoires et des triomphes d'amour, et nous, qui nous reconnaîtrons vaincus à la vue de nos impuissances, nous nous soumettrons à votre pouvoir. Nous nous enfoncerons humblement dans notre poussière, et votre nom sera glorifié et exalté dans les siècles des siècles. Notre divine dame connaissait quelquefois, par la science de son très saint fils, les âmes qui se distingueraient dans la loi de grâce en l'amour divin. Elle discernait les œuvres qu'elle ferait, les martyrs qu'elle souffrirait pour imiter le même Seigneur. Et par cette intuition elle était enflammée dans son émulation d'un amour si ardent, que le martyr de désir de notre auguste reine surpassait tout ce qu'on a effectivement souffert. Alors elle expérimentait ce que l'époux dit dans les Cantiques, 8, 6, que l'émulation de l'amour était forte comme la mort et dure comme l'enfer. Comme l'amoureuse mère ne mourait pas, malgré tout le désir qu'elle avait de mourir, son très saint fils lui répondait ces paroles, qui y sont rapportées. Mettez-moi comme un cachet sur votre cœur et sur votre bras, ibidem, lui en donnant en même temps l'effet et l'intelligence. Par ce divin martyr, la Sainte Vierge fut la première de tous les martyrs. Le très doux agneau Jésus paissait au milieu de ses lys, pendant que le jour de la grâce s'approchait, et que les ombres de l'ancienne loi commençaient à se dissiper. Ibidem, 2, 16 et 17. L'enfant Dieu ne mangea aucune chose tant qu'il fut à la mamelle virginale de sa très sainte mère, et il ne se nourrit que de son seul lait, qui était aussi doux et aussi substantiel que le corps de cette auguste dame, où il se formait, était pur, parfait et réglé en toutes ses humeurs et ses qualités, il surpassa, après celui de notre Seigneur Jésus-Christ, tous les autres corps en santé et en toute autre sorte de perfection. Ce sacré lait se serait conservé par ses propres qualités un très longtemps sans se corrompre, et, par un privilège singulier, il ne se serait jamais altéré, étant certain que celui des autres femmes s'aigrit et se corrompt bientôt, comme l'expérience nous l'apprend. Le bienheureux époux Joseph ne jouissait pas seulement des faveurs et des caresses de l'enfant Dieu, comme témoin oculaire de celle qui se passait entre le fils et la mère. Mais il fut aussi trouvé digne d'en recevoir immédiatement de Jésus lui-même, parce que très souvent sa divine épouse le lui remettait entre les bras, lorsqu'il fallait qu'elle s'occupât à quelque chose dont l'exécution l'empêchait de le garder avec elle, comme à préparer le repas, à ajuster la layette, à balayer la maison. Alors Saint Joseph le tenait, et son âme en ressentait toujours des effets divins. L'enfant Jésus lui montrait extérieurement un visage agréable, il s'appuyait sur son sein, et, tout en conservant une dignité, une retenue vraiment royale, il lui témoignait son affection par diverses caresses, comme les autres enfants ont accoutumé de faire à l'égard de leur père. Toutefois, ces faveurs n'étaient pas accordées aux saintes aussi fréquemment ni aussi tendrement qu'à la véritable mère et vierge. Et quand elle laissait l'enfant, elle prenait en échange les reliques de la circoncision que son glorieux époux portait ordinairement sur lui pour ses consolations. Ainsi ils étaient toujours enrichis l'un et l'autre, Marie par son très saint fils, et Joseph par le précieux sang qu'il venait de verser et par sa chair déifiée. Il conservait ses très saintes reliques dans une petite fiole de cristal que le saint chercha, comme je l'ai dit, et qu'il acheta de l'argent que sainte Élisabeth leur avait envoyé. Notre grande dame y mit la chair qui fut coupée et le sang qui fut versé en la circoncision. En coupant du linge qui avait servi à ce ministère les endroits où il avait coulé. Et, afin que le tout y fût dans une plus grande sûreté, notre puissante reine ferma par son seul commandement la petite fiole dont l'ouverture était garnie d'argent, et à sa voix cette garniture recouvrit et embrassa l'orifice de la fiole bien mieux que n'aurait pu faire l'artisan qui l'avait fabriquée. De sorte que la très prudente mère y garda ce sacré trésor pendant toute sa vie, elle remit ensuite ce précieux dépôt aux apôtres, et le leur laissa comme appartenant à la Sainte Église. Je me trouve si abîmée dans la mer immense de ces mystères et dans une si grande impuissance de les expliquer à cause de l'ignorance de mon sexe et de la faiblesse de mes termes, que je m'en rapporte pour un grand nombre à la foi et à la piété chrétienne. Instruction que la très sainte Vierge me donna. Ma fille, vous avez été avertie dans un des chapitres précédents de ne rien demander au Seigneur par des moyens extraordinaires, ni pour diminuer vos peines, ni par une inclination naturelle, et moins encore par une vaine curiosité. Je vous recommande maintenant de ne point suivre non plus vos sentiments pour désirer ou exécuter la moindre chose extérieure par aucun de ces motifs, attendu que vous devez modérer et réfréner vos inclinations en toutes les opérations de vos puissances et applications de vos sens, sans leur donner ce qu'ils exigent, fût-ce sous quelque prétexte apparent de vertu ou de piété. Je ne devais pas craindre de dépasser les bornes dans mes affections, à cause de mon innocence irréprochable, le désir que j'avais de demeurer dans la grotte où mon très saint fils était né où il avait reçu la circoncision, ne manquait pas non plus d'une piété sincère, mais malgré tout cela et malgré les questions de mon époux, je ne voulus pas manifester ce désir, parce que je préférais l'obéissance à cette dévotion, sachant que c'était la voie la plus sûre pour les âmes et la plus agréable à Dieu, que de chercher sa sainte volonté par le conseil et l'opinion d'autrui, plutôt que dans ses propres inclinations. Ce fut en moi un plus grand mérite et une plus grande perfection, mais pour vous et pour toutes les autres âmes, qui courait risque d'errer en suivant votre propre sentiment, Ce doit être une loi plus rigoureuse qui vous fasse prévoir ce danger, pour vous en éloigner avec précaution et diligence. Car la créature ignorante et au cœur si étroit, s'attache facilement à des bagatelles par une inclination et une affection puériles. Et parfois elle s'occupe tout entière d'un mince détail comme d'une grosse affaire. Ce qui n'est rien en soi lui paraît quelque chose. Et tout cela la rend incapable, et la prive en même temps des grands biens spirituels, de la grâce, de la lumière et du mérite. Vous gréverez cette instruction et toutes celles que je dois vous donner dans votre cœur, et vous tâcherez d'y faire un recueil de tout ce que je faisais, afin que, pénétré de l'intelligence que vous en aurez, vous le mettiez en pratique. Considérez la révérence, l'amour, le soin que j'avais pour mon très saint fils, la réserve et la sainte circonspection avec laquelle je le traitais. Et quoique j'eusse toujours vécu dans cette crainte vigilante, néanmoins, après l'avoir conçu dans mon sein, je ne le perdis plus un instant de vue, et rien ne put ralentir l'amour qu'il me communiqua alors. Mon cœur ne trouvait aucun apaisement dans l'ardeur où j'étais de lui être plus agréable, jusqu'à ce que, uni et abîmé dans la participation de ce souverain bien, de cette dernière fin de toute chose, je pusse quelquefois m'y reposer comme dans mon centre. Mais bientôt je retombais dans mon inquiétude ordinaire, comme celui qui poursuit son chemin sans s'arrêter à ce qui ne le peut avancer et qui retarde son désir. Mon cœur était si éloigné de s'attacher à aucune des choses de la terre et de suivre l'inclination sensible, qu'à cet égard je vivais comme si je n'eusse pas été de la commune humaine nature. Et si les autres créatures ne sont pas libres des passions, ou si elles ne les vainquent point autant qu'il leur serait possible, qu'elles se plaignent de leur propre volonté, et non point de la nature, c'est celle-ci qui, dans sa faiblesse, aurait au contraire le droit de se plaindre, car elle pourrait, avec l'empire de la raison, la régler et la diriger, et c'est pourtant ce qu'elles ne font pas. Au contraire, elles lui laissent suivre des voies mauvaises, et l'y poussent même par les incitations du libre arbitre, en même temps qu'elles se servent de l'entendement pour la mener à la recherche des objets les plus dangereux et des occasions où elle doit trouver sa perte. Au milieu de tous ces précipices qui bordent la vie humaine, je vous recommande, ma très chère fille, de ne convoiter et de ne poursuivre aucune chose visible, quelque nécessaire et quelque légitime qu'elle vous paraisse. Faites en sorte de n'user que par obéissance et avec l'agrément de vos supérieurs. Des choses indispensables, telles que votre cellule, vos vêtements, votre nourriture et le reste, parce que le Seigneur le veut, et je vous le déclare, afin que vous en usiez pour le service du Tout-Puissant. N'oubliez pas que tout ce que vous ferez doit passer par la règle de toutes les instructions que je vous ai données. Markemdanarchive.org, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique, la cité mystique de Dieu par Marie d'Agreda, tome 3 Poussiel Gurus en 1857.